Et maintenant, un bon vieux morceau de rock'n'roll. Je t'explique vite fait ici comment ça se passe. Toi qui arrives à peine, faudra vite te faire une place. Alors écoute bien, je vais tout te raconter. Comme ça tu sauras d'avance où tu mettras les pieds. Quand tu tiendras debout pour la première fois, t'auras l'impression d'être invincible, d'être le roi. Et en grandissant, le roi perd sa couronne. C'est pas le tout de marcher, faut rendre des comptes aux grandes personnes. Écoute, petit, trace ta route, fais ta vie. Écoute que coûte, petit, trace ta route, sans souci. Quand tu iras dehors pour la première fois, t'auras l'impression que le bout du monde est devant toi. Et en grandissant, le bout du monde s'éloigne. Du trottoir à la rue, la ville, le pays, chaque instant il s'éloigne. Quand tu iras à l'école pour la première fois, t'auras l'impression que c'est cool, qu'on rigole bien, tout ça. Et en grandissant, ça devient plus difficile. Tu t'accroches ou tu décroches, c'est plus du tout tranquille. Écoute, petit, trace ta route, fais ta vie. Écoute que coûte, petit, trace ta route, sans souci. Quand tu tomberas amoureux pour la première fois, t'auras l'impression qu'il n'y a rien de plus beau sur terre que ça. Et en grandissant, l'amour te brise le cœur. Alors tu te méfies des filles, des femmes et du bonheur. Quand tu trouveras du travail pour la première fois, t'auras l'impression d'être condamné et de n'avoir plus le choix. Et en grandissant, tu comprends que le temps passe. Alors fonce, profites-en avant de laisser ta place. Écoute, petit, trace ta route, fais ta vie. Écoute que coûte, petit, trace ta route, sans souci. Écoute, petit, trace ta route, fais ta vie. Écoute que coûte, petit, trace ta route, sans souci. Écoute. Ouais, y a des cœurs et tout. route. Fais ta vie, écoute que coûte. Petit, trace ta route sans souci. Yeah! Merci les gars! Et les filles!